Bienvenue sur le podcast Des petits pas pour de grands résultats. Dans cet épisode 0, je vais vous présenter le podcast et vous dire ce que vous pourrez y trouver tout au long des épisodes. Pour ce faire, je vais aussi me présenter et vous expliquer pourquoi je crée ce podcast. Je m'appelle Héloïse, je suis passionnée depuis toujours par tout ce qui touche au bien-être et à la santé au naturel. Déjà petite, j'adorais tester des méthodes de grand-mère et des remèdes naturels à base de plantes. En fait, je suis persuadée que des choses simples fonctionnent. Puis en grandissant, j'ai découvert le développement personnel. Alors pour moi, c'est simplement le fait d'améliorer sa personne, c'est-à-dire de progresser dans des domaines qui nous intéressent ou d'améliorer sa vie dans le but d'être plus heureux ou plus satisfait de la vie qu'on mène. Je pense qu'on devrait tous accorder du temps à ce qu'on aime dans la vie. C'est pour ça que j'ai décidé d'accorder du temps à mes passions et que j'ai créé un site web qui s'appelle Les Bien-être. J'ai aussi décidé de faire ce podcast parce que c'est un médium que j'apprécie et que je consomme beaucoup. J'en écoute un petit peu tout le temps, quand je fais des tâches ménagères, quand je conduis, quand je marche. Ce que j'aime avec les podcasts, c'est qu'on peut les écouter en faisant autre chose. Alors pour moi, c'est l'occasion de m'enrichir et j'ai la satisfaction d'avoir le sentiment d'optimiser mon temps. J'ai plein de podcasts qui m'accompagnent un peu partout, selon les moments de ma vie, et ça m'a donné envie de proposer le mien dans une thématique bien-être et développement personnel. Le but de ce podcast est de vous proposer des astuces, des tactiques simples à mettre en place pour améliorer des aspects de votre personne ou de votre vie. Je crois beaucoup au pouvoir de la régularité et de l'effet cumulé, mais on en reparlera plus tard. Dans chaque épisode, je vais vous proposer une action que vous pourrez transformer en habitude à mettre en place dans votre vie pour vous rapprocher chaque jour d'un objectif. Le podcast ne sera pas très long et sera publié au moins une fois par semaine. Les thématiques seront variées, on parlera de santé, de sport, de beauté ou encore de comment réduire le stress. Et par la suite, je compte sur vous pour me dire celles qui vous intéressent le plus afin que je les alimente. Alors, pas besoin d'appliquer forcément toutes les astuces dont je vais vous parler. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de choisir celles qui correspondent à un objectif que vous voulez atteindre et d'être constant dans l'action à mener. Et petit à petit, vous pourrez intégrer de nouvelles actions si vous le souhaitez. Donc pour bien poser les bases de ce podcast, dans le prochain épisode, je vais commencer par vous expliquer comment de petites actions qui ne demandent presque pas d'effort peuvent changer votre vie. D'ici là, si l'idée de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de la sortie d'un épisode. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.